Bonsoir les petits amis, vous êtes évidemment sur Radio Campus Montpellier, dans la machine à son à l'intérieur. Vous êtes coincé pendant une heure minimum. Peut-être qu'après il y a des restes des fois, on m'a dit. Certains se sont plaints de l'hôpital d'en face et m'ont dit ben voilà, j'ai écouté une fois l'émission, voilà où je suis. Bon, allez. On va pas mal commencer. Non, c'est vrai. Ben oui, on a un peu un courrier des lecteurs, donc des fois, ben, y a des choses moins sympathiques que d'autres. Mais en règle générale, c'est quand même l'hystérie, hein. C'est l'amour universel. Bref, meilleurs vœux. Et oui, première émission de l'année, donc il faut bien quand même que je souhaite que des bonnes choses, même si on va dire que ça a quand même assez mal commencé. Hein. Deux artistes de génie meurent et tout un tas d'abrutis. Voilà. Bref, vous connaissez l'histoire, donc on va pas en faire un drame, hein. Le professeur a beaucoup pleuré, maintenant ça y est, il va mieux, il a repris du poil de la bête, il m'a dit on va se coaliser, on va résister, enfin voilà, il est parti dans un délire, non pas guerrier, mais de défense. Bon, bah, tant mieux, c'est bien, c'est parfait, donc du coup, bah, voilà, qu'est-ce que je vais vous souhaiter de bien, bah, d'écouter la machine à son le plus souvent possible, voilà, c'est en cours avec la sécu, bientôt c'est remboursé, alors vous allez en plus pouvoir gagner du pognon. Eh ben oui, mais c'est ça, voilà, nous on est un peu un service public à Radio Campus, donc on est là pour aider les gens, voilà, dans service public, il y a service. Alors, après ces quelques minutes d'introduction, nous allons passer au sérieux de l'histoire. Alors bon, ce soir, on ne savait pas trop, quoi, comme d'habitude, hein, on ne savait pas. Donc. Mais on s'est dit, en fait, on va partir d'un concept, « Make love great again ». Et voilà, ça nous a rien dit du tout, en fait, mais ça nous a permis d'y réfléchir. Nous interrompons notre émission de variété car notre envoyé spécial Roger Lanzac nous appelle. Il enquête, vous savez, sur l'engin mystérieux signalé dans le ciel de l'Auvergne. À vous, Roger, vous m'entendez? Je vous entends très bien, et vous? Parfaitement, 5 sur 5. Allez-y, vous êtes en direct. À quel endroit vous trouvez-vous? Bah, écoutez, je ne peux pas me situer exactement, mais je suis dans une forêt, au bord d'une petite clairière où il se passe des choses étranges. J'ai à mes côtés, accroupi derrière le même buisson, un jeune garçon et sa petite sœur qui, comme moi, sont les témoins de cet événement qui promet d'être extraordinaire. Les enfants, vous appelez comment? Alain. Sophie. Bon, alors racontez-nous. Vos parents vous avaient envoyé faire des courses au village. Oui, monsieur. Par la forêt. Oui, monsieur. C'est en cherchant des fraises. Et vous habitez près d'ici? Dans la maison, dans le creux là-bas. C'est au bout de ce petit chemin. Juste après là. Chut, écoutez. Alain, Sophie, venez là. Là, monsieur, regardez cet appareil qui descend. Allô, s'il vous plaît, je garde l'antenne car c'est incroyable. Cet objet ne peut être terrestre. Comment vous le décrire? Il est de forme arrondie, d'un diamètre de 30 à 35 mètres environ. Il est énorme et paraît pourtant léger, étonnamment maniable. Il descend lentement dans une véritable féerie de couleurs. Des couleurs fantastiques dont certaines sont indescriptibles. Des couleurs qui n'existent pas dans notre arc-en-ciel. On dirait un arbre de Noël prodigieux descendant du ciel. Il est à quelques mètres du sol. Voilà, il coupe ses moteurs. Le bruit que vous entendez est produit par des espèces de jambes articulées qui viennent taper le sol. On dirait des pattes d'araignée. Oh, c'est rigolo, il a plein de bons hommes. On dirait des porte-clés. C'est méchant, les porte-clés. Ben, nous n'en savons rien. Les porte-clés, qu'est-ce que je dis? Les êtres que nous distinguons parfaitement à l'intérieur de l'engin sont petits. 1 mètre environ. En voici un qui s'avance vers le bord de l'ouverture. Oh, il a sauté. Allô, Roger, ici le studio. Mais qu'est-ce qu'on a? my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Good news. That the mule wash is going to come back in style. She's my cousin. But doesn't she look almost exactly like Laura Palmer? But it is Laura Palmer. Are you Laura Palmer? Eh oui, on ne vous a pas trompé, l'année commence très fort. Eh oui, le professeur, il a beaucoup, beaucoup travaillé pour vous pendant ces quelques semaines de repos. Eh oui, le professeur déteste Noël. Mais par contre, il en profite pour aller fouiller partout et ramasser tout ce qu'il peut ramasser. Pour votre plus grand plaisir, et parfois peut-être votre déplaisir. Peu importe, c'est votre problème. Allez, roulez, dansez jeunesse. Thank you. Est-ce que ça vous semble clair? Expliquez la gravitation, Albert. Avez-vous bien compris? Recommencez tout sur l'énergie. Est-ce que ça vous semble clair? Qu'est-ce que c'est vraiment la lumière, Albert? Avez-vous bien compris? Recommencez tout sur l'énergie. Est-ce que ça vous semble clair? Quelle est la taille de l'univers, Albert? Avez-vous bien compris? Recommencez tout sur l'énergie. Est-ce que ça vous semble clair? Dites-nous comment naissent les pierres, Albert. Avez-vous bien compris? Recommencez tout sur l'énergie. Est-ce que ça vous semble clair? Pourquoi aujourd'hui, hier, demain, Albert? Avez-vous bien compris? Recommencez tout sur l'énergie. Machine à son, c'est toujours un petit peu. Quel rime en son? Ouais. Pas mal de trucs à la con quand même. Prêtez l'oreille. Deux drogues maintenant qui se ressemblent dans leurs effets, c'est la mescaline et puis il y a l'acide lysergique qui est aussi une drogue synthétique qui produit exactement les mêmes effets. Et la chose étonnante dans ces deux cas, c'est qu'ils ont des effets fantastiques sur l'esprit, sans presque faire aucun mal au corps en général. Depuis la plus haute antiquité, l'homme a tâché de s'évader de son être normal et trop ordinaire, trop humain. Mais il s'est évadé à l'aide de drogues qui lui ont fait énormément de mal. Après tout, l'opium fait énormément de mal, la cocaïne, etc. Mais tandis que ces deux drogues ont des effets, on pourrait dire, plus révolutionnaire sur l'esprit. J'ai pris la mescaline une ou deux fois et puis l'acide lysergique deux ou trois fois avec plusieurs médecins et physiologistes. Et c'est une chose vraiment très extraordinaire parce qu'on fait l'exploration d'une terra incognita de l'esprit. On se rend compte qu'on porte avec lui une espèce de continent complètement inconnu dans son cerveau. C'est comme si on pénétrait dans une espèce de continent noir, une chose qu'on ignorait totalement. Et on trouve tout à coup ce monde qui ne ressemble en rien au monde ordinaire. Et la chose remarquable dans ces deux drogues, c'est que les facultés intellectuelles ne sont pas du tout dérangées. I can, yeah, slipping away, yeah, you know that I am. Alors, les petits habits. Eh oui, quand même, ça remue un peu dans la machine à son par moment. Eh ouais, on vous a pris un petit peu cérébralement, mais là, ça y est, sur le final, là, la demi-heure qui suit, on va quand même essayer de vous faire un petit peu mouiller la chemise. C'est parti. Marchons mes braves, eyes in. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall. But they creep for what they need. And they explode to the call. And then they move. Like I told ya, very stupid like you saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know. All the things that should have made us whole. All the colorless security was only so it could go. Tropical apartments bed, your sacrificial pool. My body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat. Another story for the kids. I'm talking Twilight Zone trash now. The tradition of Ripple Without a Cause and Black Boy Jungle. Here comes bad news from the underworld. Wow. Sally from the valley, face down in the alley, dead on a summer night. Jerry never flied, had so much to hide. Fag hags burned him with tool and all lights. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news from the underworld. Dreams are cold as rebels grow old. Debbie isn't ready. Hang-ups unsteady, dance till the sun comes up. Teddy's flaws are super heavy. For bondage, he's never ready. Last night at the Gold Cup, he threw up. Yeah, yeah. Bad, bad news. Bad. Broken down boys and the tragedy girls. Don't cry. Dreams are cold. Bold control in rock and roll means nothing. Nothing to the soldiers at the jelly roll. Nothing. They've gone bald up against the wall of double gender sweet surrender. Satan, sleaze, Levi's and grease means mom's burden with a pleasure chest. Gator hogs like wild dogs breaking all the rules as we pass the desk. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news. Bad news. Bad news. Bad news from the underworld. Dreams are cold as all the rebels grow old. Bad. It's bad. Bad news. On avait fait le pari avec le professeur, savoir si je tiendrais jusqu'au bout. Eh ben non. Thank you. tout se fait. Il y a de tout mon sang-sang. Il y a de tout mon bada. Vous l'avez bien senti, ça sent la fin de cette édition de la machine à son avec une petite fanfare derrière, la Rota. Enfin, fanfare, je sais plus en même temps si ça s'appelle une fanfare, mais bon, le morceau s'appelle la Rota. Après, les gens qui jouent, je sais plus, c'est un truc compliqué. Les compagnons des anciens instruments du Moyen-Âge, j'en sais rien, je sais plus. Donc ce soir, vous avez donc écouté, parce que je vérifie le temps quand même, Voodoo Game, Think Positive, Tonio Rubio, Bass in Action, numéro 1, je ne sais pas s'il y a une numéro 2, mais déjà le numéro 1 est pas mal, T and the Unknowns, Unknown, My Generation, bon, alors on peut en discuter longtemps, mais bon, c'est quand même, après c'est rigolo quand même d'avoir repris My Generation comme ça, mais bon, c'est quand même pas terrible. Kuno and the Marijuana Brass, Marijuana Mantra, fantastique, Kim Foley, Bad News from the World, il faut réviser, Gun Club, tiens, c'est terminé là. La fanfare. Salford Jets, très très bien ça. Ou Who Looking. Who You Looking. Ouais, je sais, enfin, je sais pas le dire à l'anglaise, mais bon, c'est moi qui te regarde. Quoi. The Head Coaties, Louis Riel, fantastique. Avec finale en français, Tu marches dans les gravats, ça pue la merde. Fantastique. Washington Smith, Fat Cat. Alors là, le professeur, je sais pas où il a trouvé ça, mais c'est une tuerie. Society's Children Sleeping, je regarde, il me reste une minute, Sleeping Away, Aldous Huxley avec des explications que j'espère vous allez suivre, à la lettre, Gilbert Ami, Steve Waring, Les Residents, Michel Colombier, LA Witch, alors la fantastique LA Witch, cherchez, c'est, enfin, vraiment, elles sont magnifiques. Et puis alors, elles font une musique quand même assez terrible. The Mystery Light, fantastique aussi, l'équivalent, Louis Ferrari, Ziffy au tout début, et puis une intro un peu barrée, voilà. Donc, ben, bonne année et à la semaine prochaine. Si on est encore tous là, on ne sait jamais. Mmh.